On va parler du Super Bowl avec notre ami Marc Diquet de Radio X5. Hier, il y a eu une table ronde avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec et Alexandre Gauthier. Mais là, on va parler de notre chroniqueur régulier, Marc. Salut, Marc. Salut, Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, Marc, je veux ton opinion sur les Pats. C'est un débat que j'ai eu hier en ondes, puis là, ben, ça se transforme vraiment sur Facebook. Ouais. Moi, c'est sûr, je suis un partisan des Pats et je suis vendu. Mais moi, ce que je dis au monde, c'est comme les Yankees, les Pats, c'est comme les Yankees, c'est comme les Canadiens. T'es haï ou t'es aimes ou t'es aimes pas. Et Ouais. ils laissent personne indifférent. Puis tu vois ça sur les médias sociaux, t'as des gens qui se lèvent pour les haïr, la nuit pour les haïr, puis t'as ceux-là qui les aiment vraiment, qui aiment Tom Brady, c'est quasiment pour eux un deuxième dieu. Moi, je fais partie Ouais. de la Pats Nation. Toi, comment tu vois ça, toi? Écoute, moi, je me considère pas comme un hater des Pats, mais je suis pas un partisan des Pats, t'sais. Puis, moi, honnêtement, comme fan de football, j'aime ça voir des équipes différentes au Super Bowl. Fait que moi, les Pats, j'aurais pas été là cette année. J'aurais quasiment été content. Tu sais, j'aurais pas pleuré, là. Ça Ouais, mais m'aurait t'as pas rêvé ça, dérangé voir un tant que Super ça. Bowl, les Jaguars. Tu sais, les Jaguars, c'est comme, excuse-moi, là, c'est comme les Bengals. Ça dit pas grand-chose au Québec. On les voit quasiment pas à la télévision nationale. Tu sais, on voit les Steelers, on voit en masse les Steelers, on voit les Colts, on les voyait dans le temps de Peyton Manning. On voit beaucoup les Chiefs de Kansas City à cause de Laurent. Mais, tu sais, on n'en voit pas beaucoup, là, les Non, Jaguars, là. mais tant qu'à ça, qu'est-ce qu'on fait quoi? On fait une ligue à cycle? Non, c'est sûr, c'est Tu sûr. sais, ils sont dans la ligue. Moi, Ouais, j'aime ça voir je des underdogs une fois de temps en temps, puis des équipes. Tu sais, les Ravens de Baltimore, c'était le fun de les voir, là. Il y en a plein, là, que c'est le fun d'avoir. Tu sais, les 49ers, il y a une couple d'années, c'était le fun. Ouais. C'était le fun de les voir revenir. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de. Moi, je te dirais ça. Tu sais, moi, peu importe l'équipe qui arrive là, d'abord, c'est une équipe qui mérite d'être là. Elle arrive pas à la finale Vraiment. du Super Bowl par chance. Non. Puis, tu sais, moi, les Pats, honnêtement, là, je commence à t'écœurer un peu, là, des voir là. Tu Mais. sais, je suis content de voir les Eagles là. Ça fait changement, ça fait longtemps. C'est le fun. Tu sais, puis, OK. quand c'est des clubs qui sont. Tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a Steel Bengals, je pourrais pas te parler avec ma tête, là. Comme Mais, moi qui les tu passe sais, aujourd'hui, là, c'est sûr. c'est. Ben, c'est le fun d'avoir les Pats. Tu sais, ceux qui n'aiment pas Tom Brady, qui n'aiment pas les Pats, je vais juste leur dire une chose, c'est que on est en train de voir le plus grand carrière de l'histoire du football. On le Ben ouais. voit, là. Tu sais, on le voit, là. Dans Mais 30 peut-être ans, à un ça des va plus parler de grands Tom athlètes du Brady. sport. Mais Tom Brady, c'est comme Michael Jordan. Ouais. J'aime pas comparer sport pour sport, par contre, c'est tellement de notions différentes. Sauf que, tu sais, dans 40 ans, on pourra dire, hey, Tom Brady, on l'a vu. Ceux qui ont vu Ouais. Montana, ils l'ont vu. Ceux qui ont vu, je sais pas moi, Namath, là, ils les ont vus, tu sais, fait que Ouais. c'est le fun de voir ça, c'est le fun, sauf que moi, j'ai hâte de voir d'autres équipes, honnêtement, là, j'en ai un peu ma genre, Ben là, moi, patelin avec les Patriots, puis... c'est sûr que ce que j'aime, parce que moi, ça ajoute au spectacle. C'est drôle. Moi, j'écœure amicalement les partisans. Là, tu vois des messages passer. Tu l'as peut-être vu ma photo que j'ai partagée hier. Tu vois Tom Brady préparer son plan de match. Il y a à peu près 8 arbitres autour Ouais. de lui. Ah non, C'est drôle. Ça ajoute au show, ça ajoute au Par spectacle. contre, Ouais. c'est le temps que le match arrive. Là, c'est le Ouais, temps que le ouais. match arrive. Je pense que les fans de football ont faim, là. Puis tu sais, moi honnêtement, cette année, le Super Bowl, puis je pense je sais pas s'il y a une faction des antipathes qui sont comme moi là-dessus, mais moi je me dis toujours la même affaire. Si Carson Wentz était là, oh! Oh! Ouais, c'est Oh, sûr, que les c'est sûr. fans des Pats seraient peut-être un petit peu moins confiants. Hein? Mais Nick Foles, vas-tu être le Jeff Hostetler de l'année 2017? Tu te rappelles-tu de Jeff Hostetler? Oui, ben ça Il y se a, peut. Ça c'est se... Phil Sims se blesse, puis j'en parlais hier avec Stéphane Cadorette et Alexandre Gauthier. Phil Sims se blesse pas mal dans le même temps que Carson Wentz. Il arrive un carrière qu'on ne savait pas du tout à quoi s'en tenir. Puis il emmène les Giants de New York au Super Bowl un gain contre les Bills. Ça lui a permis de négocier un contrat avec les Raiders d'Oakland par la suite. Ah ouais, c'est Puis clair. Puis Foles, il il y en va a être eu un joueur autre. autonome, là. Il y en a eu un autre dont j'oublie le nom, là. Ouais. Il y a une couple d'années aussi qui a fait ça, là. Ouais. C'est quand même. C'est pas n'importe quoi, sauf que les Eagles, ça prouve à quel point cette équipe-là est bien construite, là. Oh, ouais. Ça prouve à quel point défensivement sont solides. Qui sont résilients, surtout sont résilients, les Eagles. Puis moi, c'est ça que j'aime d'eux autres. Est-ce que ce sera suffisant demain? Je pense pas. Mais Par contre, sais, sont résilients. Hein. Par contre, ça peut pas être mauvais pour la NFL. T'sais, comme moi, la NBA, tu te rappelles des Warriors de Golden State l'année passée? C'était plate, là. Ouais. Les Warriors sont allés chez Kevin Durant. Ils arrivent en série, ouais. C'est pacté. Ben, c'est pacté. C'était ridicule de voir comment ils étaient dominants. Il fallait attendre la finale pour avoir un peu de basketball intéressant, parce que LeBron de l'autre côté. Ça, on peut pas dire que c'est bon pour la NBA, ce qui se passe, là. Puis là, il y a une rumeur qui circule que LeBron va s'en ir à Oakland. Je suis pas sûr de cette histoire-là, là, mais en tout cas, c'est peut-être fait parler de lui aussi, là, mais ça peut pas être bon. Mais les Pats, c'est pas une équipe pactée loin de là, là. T'sais, c'est un très grand carré et un très grand coach. Bon, ouais, mais attends un peu, Danny. Ouais. Si demain, t'as pas de match, là, ouais. Puis que c'est pas serré, là, vous avez bien beau, les amis, vos Pats d'amour, là. Mais ouais. Si demain, c'est un match facile pour les Pats, là, dans les médias lundi, ça va être le Super Bowl est plate, puis les grands fans de Ligue canadienne de football, là, ouais. Ah, c'est bien mieux notre Ligue, on a des bien meilleurs matchs. C'est ça qui va arriver, là. Mais c'est plus vrai. Les Super Bowls des années 90, c'est vrai qu'ils ont été plates. Ouais. Je me rappelle un tour, c'était fini après 10 minutes, là. Ouais. Celui de 95 entre San Francisco et San Diego, rappelle-toi Steve Young, c'était ridicule comme match. Mais depuis les dernières années, on a eu des Christy de bons Super Bowl. Là. Moi, je suis le football activement, vraiment, depuis 2006, ouais. 2007. Puis c'est vrai qu'on a des bonnes finales de Super Bowl, là, tout à fait. Là. Puis j'espère que ça va être serré demain. Ouais. J'espère que ça va être serré. Hey, Super Bowl le samedi, ça te dirait quoi? Non. Jamais dans 100 ans. Non. Non. OK. Le football, c'est le dimanche. Moi, quand je vois le Canadien jouer le dimanche soir, je gagne sans connaissance. Là, okay. Le hockey, c'est samedi soir. Le football, c'est le dimanche soir. C'est le dimanche après-midi ou en fin de journée, comme on fait là. Je sais où tu vas en venir avec ça, Danny. Oui, parce que le taux d'absentéisme aux États-Unis est incroyable. Le lendemain, on lève quasiment beaucoup de monde, on relève de brosse. Sans que samedi, ça ferait bien. Ouais, mais non, c'est la tradition, c'est fait de même, puis tu sais, c'est... Ah non, hey, tu vois, non. Ah non, moi, je suis pas prêt, là, mentalement et physiquement, je suis pas prêt pour ce soir-là. Moi, ça me prend ça demain, là, ça me prend ça le dimanche. OK. Tu sais, au pire, gars, moi, c'est sûr que... Puis tu sais, je dis toujours que si les Bengals sont en finale du Super Bowl un jour, je sais pas, ben, c'est déjà arrivé. Ben, deux fois. Si ça arrive, je vais dire à mes boss, je vais caler malade le lundi d'avant. C'est sûr. Parce que, un, j'aurais pas le goût de rentrer à la job et me faire écœurer. Puis, deux, je suis jamais le mieux se poursuivre. Ben, oublie ça, je passe à la rumba de la nuit. Là. Ouais, fait que c'est clair que moi, je vais prendre congé le lendemain. Ça, deux fois. Marc, 82 avec Ken Anderson, 89 avec Boomer. Et ça, ouais. Ouais. Comment tu prends. Ton meilleur souvenir du Super Bowl, c'est quoi? Ben comme je te disais tantôt, moi ça fait pas des. Tu sais, j'ai toujours regardé le Super Bowl, mais tu sais, quand tu suis pas la NFL, pis c'est ça qui est dur. Quand tu suis pas la NFL, tu regardes le Super Bowl, tu sais, t'es comme moi. Tu sais, c'est comme. Mais quand tu suis la. Qu'est-ce que tu fais pour une équipe, pis tu suis la saison, pis c'est ça qui est le fun. On m'a fait une comparaison avec le hockey, là. Ouais. Tu sais, on suit tous le hockey. Mais on arrive en finale de la coupe, pis il y a du monde qui regarde plus ou moins ça. Mais quand tu suis ton équipe de football, le Super Bowl, même si ton équipe est pas là. Tu le regardes avec attention parce que tu connais tes joueurs. Vu qu'il y a moins de matchs de hockey, tu sais, t'es plus focus, t'es là, tu sais. Mm. C'est le fun pour ça. Mais moi, mon meilleur souvenir au Super Bowl, honnêtement, ce qui m'a le plus marqué, c'est Giants Pats. L'attrapé de Tyrod Tyree. Pour moi, c'est ça. Il y en a qui vont dire, tabarouette, t'as pas vu grand football dans sa vie. Peut-être, mais l'attrapé de David Tyree sur le casque, là, ça va me rester gravé. Ouais. À l'époque, j'étais en plus un anti-Pats. Et là, tout le monde prenait les passes. Tout le monde était en pamoison de faire les passes, pour dire un autre mot. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. Puis tu sais, l'attrapé de David Tyree, là, c'est un des grands moments pour moi là, dans l'histoire du Super Bowl. Ah ouais. Moi, ben, c'est évidemment. Regarde, on va exclure l'année passée, c'est trop frais. Là. C'est sûr ben, ça c'est... peut, je vais t'as le droit. Ouais, mais l'année passée, excuse-moi, mais l'année passée, c'était quelque chose. Là. Oh, ouais, mais c'est parce que c'est le meilleur Super Bowl de l'histoire. Écoute, dans les classements, va voir dans les classements, là, des gens tapent top 10, top Super Bowl, c'est lui qui va sortir. Sauf que, tu sais, ça fait trop tôt. Là. Moi, c'est. C'est la décision de Pete Carroll de pas donner le ballon à Marshall Lynch. Ça, là, je suis surpris que ça n'a pas fait plus histoire que ça. T'sais, on entend plus ou moins parler, mais ça, c'est une des histoires les plus. Les... Ben, Hein? on n'entend pas parler d'Annie parce C'était que peut-être encore trop frais, là. c'est. Ben, non, parce que c'est pas un jeu qui a conduit les passes. Ben, Ben oui, oui, ça c'est les un a jeu. conduits à la victoire, sauf que ça ne leur donnait pas la victoire automatique. Si on avait pris le ballon et on l'avait ramené dans la zone des buts, là, je pense qu'on en parlerait plus. Mais ça a pris des beaux jeux quand même pour les passes rendues là Non, pour. mais Marshall, tu sais, parce que Pete Carroll donne pas le Ah! ballon à Marshall Lynch. Non, Moi, je me c'est rappelle ridicule. très bien. Écoute bien, là, c'était terminé pour moi, là. Puis là, arrive une interception. Tu sais, des fois, là, il y a des entraîneurs, tu te dis, Christy, tu te dis, hey, moi, là, je suis dans le salon chez nous, puis je ferais. Ça me semble logique, là. Eux autres Ben sont non, payés des millions, puis. c'est drôle que tu me parles de ce match-là, Danny, parce Ouais. que ceux qui pensent que les Pats vont gagner facile demain, moi, je leur rappellerai deux choses. Non, ce sera pas facile. Les deux derniers Super Bowls des Pats, là, puis là, comprends-moi bien, là, j'enlève rien aux Pats, Ouais. mais les deux derniers Super Bowls des Pats, là, ils l'ont gagné Parce que le. en partie grâce à l'incompétence des coachs adverses. Tu Exactement. l'as dit, tu sais, l'an passé, là, Atlanta, tout ce qu'il avait à faire, Jouer le c'était ballon. courir le ballon. Ouais. Courir, ils l'ont pas. Tu sais, moi, j'étais dans le salon. Tu sais, moi, le clown Arvida dans le salon, je regarde ça, je dis, courir le ballon? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Courir le ballon, c'est jamais. Courir le ballon, tu sais, moi, je l'ai. Puis il y a bien du monde qui l'ont vu aussi. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Puis, tu sais, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait la force des Pats. C'est Bill Belichick ne Ouais. fait pas d'erreur. Il ne Ouais. fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur, contrairement aux autres. C'est ça la différence. Regarde encore là 2 semaines, les Steelers contre les Jaguars. C'est un match. D'ailleurs, Todd Haley était congédié suite à ça. Ah ouais, Tu j'espère. dis, voyons, t'as jamais vu un match mal dirigé comme ça. Qu'est-ce que tu prévois demain? Tu prévois la clé, on dit que ça va être dans la guerre des tranchées. Ça va Ouais. être les lignes à l'attaque. Stéphane Cadorette me disait hier avec raison que les Eagles doivent jouer au sol pour laisser Brady sur le banc. Je suis d'accord. C'est vraiment ça mon point, moi aussi. Tu sais, Ouais. avec Ajayi, avec LeGarrette Blount. Moi, je pense que les Eagles ont une meilleure attaque au sol que les Patriots. Et je pense que les Eagles se doivent de la jouer au sol, Ben ouais, c'est sûr. effectivement, pour manger du temps. Puis, tu sais, Nick Foles, c'est Nick Foles. Tu sais, Fais pas d'erreur. je Ce que tu demandes à un corallien comme Nick Foles, c'est, regarde, fais pas d'erreur, puis on est en voiture. Fais-nous pas sais, pire. garde ça simple. Ouais, Garde ça garde ça simple. simple. Puis défensivement, je pense qu'on peut se fier sur la Ouais. défensive des Eagles demain. Ça va être ça le plan de match. Malgré tout, je pense que les Patriots vont l'emporter par 10 points. Non, moi, j'y vais avec peut-être plus serré que ça encore. Hey, Marc, je veux changer de sujet. Je veux te Ouais, parler vas-y. de. Je sais que je t'appelle tout le temps pour parler de football, mais là, il y a un dossier chaud que j'en parle avec Phil Desgoignés tout le temps. Le Ah, je dossier t'en vois venir. de San Jose Vézina. Cette semaine, à Radio X, vous avez eu. J'ai manqué un bout. J'ai manqué l'entrevue avec le ministre des Finances, semble-t-il. On l'appelle demain à Ville-Saguenay. Ah, Michel Potvin? Michel Potvin, puis Michel Tifo. Vous avez vu Michel Tifo avec le Soccer Dome? Moi, je suis de l'avis à Simon que ça sent pas bon. On se dirige vers une rénovation. Parce que me semble que ce qui aurait été logique, c'est d'avoir meublé tout ça. Soccer Dome et une nouvelle amphithéâtre, tu aurais eu d'autres subventions. Es-tu d'accord avec Simon ben, là-dessus? Oui, mais ce serait vraiment décevant parce que, à quelque part, il y a comme un momentum pour que pour qu'avoir une nouvelle amphithéâtre, la population s'en mette pas mal en accord. Comment tu vois ça? Ouais. Ben, moi, j'ai fait des téléphones également de mon côté, là. Ouais. Puis, ce que Simon a ramassé, ça va pas mal de ce que des sons de cloche. T'sais, on n'a pas parlé au même monde, puis on a pas mal les mêmes sons de cloche, là. Premièrement, là, ce qu'il faut pas mêler là-dedans, c'est que le Soccer Dome, puis, tu sais, on va y aller par étapes là-dedans, Danny, là, si tu permets, Ouais. là, parce que c'est plus qu'un point, là, ce dossier. Pour moi, c'est plus qu'un point, OK? Le Soccer Dome a toujours été promis dans l'arrondissement de Jonquière, depuis le jour 1. OK. Okay, on a toujours dit que le Soccer Dome, faut qu'il soit à Jonquière, parce qu'il m'a donné un exemple. Ça, le monde n'en parle pas, mais c'est important de faire le point là-dessus. Moi, j'ai un petit, c'est pas mon neveu, mais c'est le fils de mon meilleur ami, là. Lui, c'est un petit gardien de but au soccer, puis il est de l'élite, OK? Okay. Il est bon, il va au jeu du Québec, là. Ben, dans son cas, il va pratiquer à Alma des fois, tu sais, parce que ces flots-là se Ouais. réunissent, puis des fois, ils vont à Alma, puis des fois, ils vont à Chicoutimi, tu sais. Fait que ça prenait quelque chose de centré. Puis je pense que du côté de Jonquière, où est-ce que tu vas faire, parce que c'est pas encore connu où tu vas faire le Soccer Dome, mais moi je te gage un vieux 2, que ce sera sur le long d'autoroute, là, tu sais, pour que ça permette justement aux gens du lac Saint-Jean, qui ont des petits gars, des petites filles d'élite au soccer, d'accéder quand même facilement, tu prends la sortie, t'arrives. Tandis que si tu faisais le Soccer Dome sur le terrain du Saint-Georges-Vézina, là, je pense qu'à Jonquière, il y aurait une grogne. Puis, vu que ça a toujours été premier à Jonquière, ben, maintenant, il faut que tu respectes ça. Deuxième chose, le centre Vézina, ce qu'on me dit, c'est que ce sera une méga rénovation. Le pavillon des vaches, on appelle ça comme ça ici. On va passer la hache dedans. On va passer la hache dedans complètement. Puis on va réunir les deux glaces là-dedans. Parce que moi, on me dit qu'il y a encore des morceaux qui sont bons dans Saint-Georges-Vézina. Le terrain de Saint-Georges-Vézina, pour plusieurs, ça a une belle valeur. Puis jamais tu aurais déménagé Saint-Georges le long de l'autoroute, à la limite de Chicoutimi, tu sais, dans le coin, ceux qui connaissent le secteur un peu, dans le coin du manège militaire, là, jamais ça aurait pu être accepté une chose comme ça. Fait que, rendu là, je pense que c'était la solution peut-être à faire, parce que moi en tant que canaliste de sport dans la région, c'est bien beau le Saint-Georges, mais ça prend un soccer dome. Mais c'est parce que si t'aurais meublé tout ça, est-ce que Simon disait cette semaine qu'il y avait des subventions, peut-être il y aurait eu plus de subventions si on aurait meublé les deux. Ça reste à voir, tu sais, c'est parce que c'est l'investissement de la ville qui aurait été plus grand. De toute façon, la ville, on aurait dû investir beaucoup plus, parce que le soccer dome, peu importe, ça le prend. Ah ouais, on est en retard. Si tu mets le soccer dome à même le Saint-Georges, tu sais, il sera pas. Mettons que tu mets le soccer dome adjacent au Saint-Georges, dans le même bâtisse, là, ça coûtera pas 5 millions de plus. Là. Ça va coûter bien plus que ça encore, tu sais. Fait que ça va faire des différences à quelque part. Puis, tu sais, je les ai rendus là. Si tu fais une belle rénovation du Saint-Georges, mais tu sais, là-dedans, il y a des coûts qu'il va falloir penser, là, que c'est sûr que. C'est sûr que je compare avec Trois-Rivières. Parce que j'ai parlé avec Shawinigan, avec le gars de. Je parle de temps en temps avec le gars de Cogeco Shawinigan, puis il m'expliquait comment ça s'est passé. Puis il disait que c'est parce que ça coûte. Plus tu t'astines sur le. Puis plus tu retardes, plus les coûts augmentent. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est 5% d'augmentation. Si on parle du Saint-Georges, Danny, là, le problème du Saint-Georges, là. C'est qu'on n'a pas fait nos devoirs à temps. On n'a pas fait nos devoirs quand c'était le temps. Quand on a fait les rénovations au début des années 2000, là, tu rentrais dans le Saint-Georges après, puis tu faisais oh, OK, ils ont changé les bancs, puis ils ont grandi à la glace. Tu sais, t'étais loin de l'action, ça marche pas, là. Mais Marc, là-dessus, là, tu restes que tu as un principe, tu peux pas faire du neuf avec du vieux. Ben, ce qu'on me dit, c'est que ça va quasiment être du neuf, là. Tu sais, le toit va être. Tu sais, Danny, tu refais le toit, là. Okay. Quand partant, là, ça. Parce que, m'a donné un exemple. Es-tu déjà allé au Palais des Sports de Jonquière avant les rénovations? Fait longtemps que je ne vais pas au Palais des Sports. Tu sais, je suis un maître de sport, mais je suis pas un sorteux. L'écoute à la TV. Ben, regarde. Ouais. En tout cas, quand ils ont rénové le Palais des Sports à Jonquière, là, ils ont fait une tristie de bonne job. Tu rentres au palais, ça avait. Fait que, moi, t'as raison, on fait pas du neuf avec du vieux. Mais si tu rénoves vraiment, vraiment, vraiment, comme il se doit, puis tu fais une belle. Tu sais, Danny, on prend n'importe quelle maison, là. Puis mettons que tu mets, je sais pas, moi, 30 000 dans ta maison, 30-40 000. Ben, tu vas rentrer, puis ça va paraître, là, puis ça va être beau. Mais si tu refais le toit de Saint-Georges, là, tu règles bien des problèmes, là. Tu règles bien des problèmes, là. Ouais. Mais Phil ajoute aussi le million, tu sais, ça va coûter un million juste transformer le Saint-Georges Vézina, pas le Saint-Georges Vézina, mais le Palais des Sports au nombre de la Ligue Germaine du Québec. Ça, il comptait tout ça. Les spectacles aussi, il comptait, il dit, on n'est même pas capable d'avoir des spectacles intéressants, fait que... Phil était très fort sur un nouvel amphithéâtre, sauf que, je me souviens, là, Phil était proche de ce monde-là, à l'époque. L'ancienne administration du maire, là, du maire Tremblay, là, Ça voulait rien savoir, un nouvel amphithéâtre, ça. Ouais. Moi, quand je parlais au maire Tremblay, puis je disais... Je me rappelle, Jean Tremblay disait, mec, que j'ai jamais entendu... Il disait ça sur vos ondes à Simon, il a dit, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est de où ça sort, cette affaire-là? Ah ouais. Mais il m'a dit ça aussi, puis... Ouais. Phil, c'est pas beau que j'ai pas parlé, mais Phil, il dit... parler d'une voix, là. Ouais. Tu sais, il dit que lui, ça fait longtemps qu'il mandate pour ça. Phil a jamais dit au maire Tremblay que ça prenait un nouveau Saint-Georges. Je crois pas ça. Je crois pas ça. Tu sais, Jean Tremblay, quand il avait jamais entendu parler de ça, excusez, mais c'est impossible. C'est impossible. Puis, si tu. Ah non, c'est impossible. Oui, alors, puis... mais tu es Jean Tremblay, c'est Jean Tremblay. Jean, c'est Jean. Ah non. C'est... Hey, mais l'histoire de la guerre olympique, ça ferait quoi, là? Ben, moi, ce que je pense, ouais, c'est que la glace des Sags sera nord-américaine et la deuxième glace sera olympique. C'est ce que je pense. Parce qu'on le disait, on veut pas le dire pour pas froisser grand monde, là. Mais les Saguenayens commencent à être tannés de la glace olympique. Ben, ça, c'est un autre problème, ça. Ouais. Puis, je peux comprendre. Ben, c'est un autre problème. Puis, je peux y comprendre d'être tiède envers ça, parce que, tu sais, les Sags, ça appartient à qui? Ça appartient à Saguenay. Fait que les Sags, tu peux pas faire de grandes sorties. Sauf que j'aurais aimé ça dans le temps, ou même là, que on le dise, regarde, nous autres, on veut pas de glace olympique. Ouais. Mais ça, ils feront pas ça. Ils le feront jamais, parce qu'ils appartiennent à la ville. Ouais. Puis, autre chose, le lobby patinage de vitesse est très, très, très puissant. Ouais. Il y a des gens à Saguenay très, très, très puissants. Puis, ça en prend une. Tu sais, regarde, aux Olympiques, là, on va être fous comme des balais. On va voir nos athlètes de la région patinage de vitesse, on va triper, puis avec raison. Fait que c'est pour ça qu'il faut que t'en gardes une glace olympique. T'as pas le choix. Non. T'as pas le choix. Faut qu'il y en ait une. Moi, même pas celle-là du Saint-Georges, parce que souviens-toi, Danny, puis il y en a eu une coupe de compétition internationale au Saint-Georges de patinage de vitesse. Hey, là, c'était le fun. On allait voir ça, puis c'était le fun. Puis là, ils ont coupé ça, puis ils ont fait ça à Montréal. Il n'y en aura plus jamais de compétition de grandeur à Saguenay. Fait que faites ça sur la deuxième glace. Ça va être bien parfait. Ça va contribuer au développement, puis c'est parfait comme ça. Ouais. Marc, est-ce qu'on peut se parler lundi, Marc, parce qu'elle a fait le bilan de tout ça, puis... Ben oui, pas de problème avec ça. On va joindre peut-être Pascal Masson avec ça, Pascal Masson qui, le lundi, je l'appelle pour les retours. Marc, on s'en reparle, bon Super Bowl, bonne pratique de pièce de théâtre également aujourd'hui. Merci, j'ai beaucoup de projets sur la table à dessin. Oui, on s'en reparle lundi. Marc dit qu'il est de Radio X.